dans ton lit, c'est pas la police. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. De speed, je prends mon bénéf, je calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. Roulard, fais pas le hamé, je pourrais t'enlever la vie. Soulevé dans ton lit, c'est pas la police. De speed, je prends mon bénéf, je calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. Ne me serre pas la main, tu connais le dicton. J'ai peur de demain, faut plus de bifton. Charbonne putain d'année, ne joue pas qui cette année. Midi j'suis dans l'allée, j'ai vu ce qu'il est pour les poulets. J'veux pas perdre du temps à courir derrière toi. Peu importe le temps, j'mets le but sur le toit. Matin, midi, soir, usé du bon char. Quelques billets mauves, histoire que j'm'en loue. Sur le terrain jusqu'à pas d'heure. Tu connais le petit frère à bas d'heure. Sur le terrain jusqu'à pas d'heure. Tu connais le petit frère à bas d'heure. Soulevé dans ton lit, c'est pas la police. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. De speed, je prends mon bénéf, je calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. Gros lard, faut pas le hamé, je pourrais t'enlever la vie. Soulevé dans ton lit, c'est pas la police. De speed, je prends mon bénéf, je calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. Chacun nettoie sa merde, son derche. Genre de GAV, je refais mes lacets, je fume un perse. Je les connais très bien, fais pas la rue des personnes. 09 dans la recherche, les Yankees finissent perchés. J'ai fait le tour du bâtiment, j'attends mon tour. J'ai la tête cramée, j'sors du four. J'ai pesé le contre et le pour. J'fais pas la cour à ces putains, vont me faire du sou. J'crois plus en la haine qu'en l'amour. J'ai pesé le contre et le pour. Dès qu'elles viendront nous lever à 6 du matin, je vais faire des calculs, organiser ma fin. La mienne m'appartient pas, je peux pas t'appeler ma vie. Si l'amour rend aveugle, les problèmes rendent la vue. Soulevé dans ton lit, c'est pas la police. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. De speed, je prends mon bénéf, je calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. Gros lard, fais pas le hamé, je pourrais t'enlever la vie. Soulevé dans ton lit, c'est pas la police. De speed, je prends mon bénéf, je calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police.